c'est comme de la balle, donc d'eau, c'est vite le local. La carte est jouée, donne-moi de la musique qui pour les bad boys du son, il est vite à la basse. Qui me fait vibrer que quand je l'écoute, ça mérite pas les oreilles du son qui dans les facs mérite. D'être reconnu, t'as vu, on sommet des lits. Parade de la barquette, ça m'inquiète, on va la plongette à l'eau. Sans terrain, ce qui déchire qui nous fera monter haut. Je fais pas pour le roro, c'est pour présenter. Représenter, je veux pas me présenter. Quand je prends le micro, c'est comme une droite à la maille, ta zone, ça t'impressionne. Et pourtant, c'est pas du géant, mais je m'adapte en gérant pour bien, je prends pas de gorge. Je laisse mes empreintes sur MIC, t'as vu, ça me dérange pas d'être reconnu. Mon rap reste aux inconnus. Au connu, au con, nul système, sans gêner. Décider de travailler, je continue, ça va, j'ai le texte, aucune retenue. Je me mets à nu, t'as vu, aucun complexe, ça me vexe. D'entendre du son qui ne parle que de sexe, comme si toutes les vérités avaient été dites. S'ils ne savent pas les dire, qu'ils écoutent, mais les rites, je les dis. Et si tu trouves que mon rap est un pic, pas de mérite, je vais jouer ma dernière carte, un as de pique. Mais un jour, t'as des bacs, tu diras as pique. Minorité, j'évite les VIP. Ces mecs me font les mimiques, j'en vais piquer. Jusqu'à la poêle, alors vu de tout, mon corps sont hérissés. Mes poils, mes faux, mieux pas que je me vénère, sinon je vais défoncer. À coup de poils, mes nerfs sont pas si solides. Alors dans ces cas-là, je prends trop l'air, pas si sérieux parce que ça me fait rire. Jamais, j'irai leur faire un sourire comme le font. Quand ils me le voient, la paye de tous les jours. Oh, c'est des égaux, alors pourquoi son petit jour? Oh, l'égo, alors que l'autre a un même âge. Pas de suffit, faut des que trucs illégaux et mon impère. Aujourd'hui qui chauffe, plus on n'a pas trouvé autre chose que de vendre ton fils dans un réseau. VIP, montre-moi pas du doigt, tu n'as aucune supériorité. Ton argent, c'est pas l'avoir mérité. T'es fou, t'as même pas travaillé, c'est facile d'hériter. Ne te mets pas qu'à charmer, go de la mine, pas mon cœur, j'ai plus de référence à.